sont ce jour est mort. Je m'interroge, je m'étonne. Le soleil brille, même pour les connes. Le soleil brille, même pour les connes. Je suis désolé, tellement navré de te voir aussi bronzé. Le soleil brille, même pour les connes. Le soleil brille, même pour les connes. Le soleil brille, même pour les connes. Le soleil brille, même pour les connes. Même les connes, même les connes, même les connes. Tu m'as dit quoi? Comment ça sonne? Comme de la merde, des fois tu déconnes. Le soleil brille, même pour les connes. Le soleil brille, même pour les connes. Sur ton crâne, tu détonnes. Tu joues mieux du pipeau, tu vibraphones. Le soleil brille, même pour les connes. Le soleil brille, même pour les connes. Le soleil brille, même pour les connes. Le soleil brille, même pour les connes. Brille. Arrête de parler, ta voix dissonne. Y'a quoi au bout de tes neurones? Le soleil brille, même pour les connes. Le soleil brille, même pour les connes. Je crie, je gueule, tu n'es qu'une conne. Tu passes toujours pour une sainte, une bonne. Soleil, même les connes, même les connes, même les connes. Même